Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle pastille des commissaires de course. Aujourd'hui, pastille un petit peu plus légère pour terminer l'année 2023. Je vais vous faire part de mes paris en vue de la saison 2024. Certains sont un petit peu plus osés que d'autres, mais certains me paraissent quand même assez réalisables, en tout cas sur le papier. Bref, je vous ai listé quelques paris, l'occasion de faire un petit point comme ça tranquille avec vous en cette fin d'année et de vous souhaiter également un très bon réveillon, puis une très belle année si vous écoutez cette pastille le lundi 1er janvier. Bref, commençons si vous le voulez bien avec Romain Grégoire. Romain Grégoire, ça serait mon pari peut-être le plus réaliste entre guillemets. Mon pari, ça serait Romain Grégoire vainqueur d'une course World Tour en 2024. Il n'est pas passé loin cette année, je pense qu'il en a largement les capacités. J'imagine aussi qu'en termes de calendrier, il va forcément monter en gamme et peut-être participer à un petit peu moins d'épreuves du calendrier UCI Europe Tour. Donc voilà, ça serait mon premier pari en ce qui concerne la saison 2024. Romain Grégoire, vainqueur d'une épreuve du World Tour, étape ou classement général ou classique, bien entendu. Le deuxième, il concerne Tadej Pogacar. Celui-là aussi, j'y crois pas mal. Alors, je ne vais pas me focaliser sur le Giro, parce que, bah, il est le grand favori, donc ça paraît être un pari peut-être un petit peu trop facile, parce que sauf incident, normalement, il devrait remporter le Tour d'Italie. Je miserais, moi, plus sur Tadej Pogacar, champion du monde. Je pense qu'il en a très envie depuis un petit paquet de temps déjà. Il y a un circuit qui lui convient parfaitement à Zurich. Donc, mon deuxième pari, ça serait Tadej Pogacar, champion du monde. Il aura, à mon avis, en plus, une équipe qui sera dévouée à sa cause, parce que la Slovénie est très bien classée au classement UCI. Donc, forcément, il aura plus de coéquipiers autour de lui. Et ça me paraît être le grand favori du mondial au mois de septembre, fin septembre, début octobre. J'ai plus la date en tête. Bref, le troisième pari, il concerne la structure Q36.5. Alors, celui-là, il est peut-être un petit peu plus osé. Mais j'imagine Q36.5 pardon, classé troisième au classement des Pro Teams à la fin de la saison, ce qui lui donnerait accès à des invitations en vue du circuit World Tour de 2025. Pourquoi je dis troisième? Parce qu'ils sont quand même pas mal renforcés, je trouve, à l'intersaison, avec de la Cruz, avec Frédéric Frison, avec Giacomo Nizzolo, avec Yannick Steimle. Donc, il y a un effectif qui est pour moi déjà assez compétitif et je pense qu'on va monter en gamme chez Q36.5. Peut-être que une OX est quand même favorite, mais voilà, si j'avais un petit pari à faire, ça serait une troisième place au classement Pro Team pour, comment dirais-je, Q36.5. Le quatrième pari, il concerne le mercato. Celui-là, il est un petit peu facile parce qu'on le voit tous venir. Julien Alaphilippe annoncé donc en courant d'année prochaine dans une formation française. En 2025, et si je devais mettre une petite pièce, je parierais sur une lutte entre AG2R et comment dirais-je, et Total Energy. Je rebondis pas trop, je pense que c'est un truc qui est quand même assez, pas acquis, mais quand même en bonne voie. Donc voilà, ce serait le petit pari. Et si je devais m'avancer un petit peu plus, je dirais qu'il signera chez Total Energy, Julian Alaphilippe. Un petit pari supplémentaire, cette fois-ci, il concerne la lutte pour le maintien en World Tour. Ça ne sera pas terminé à la fin de la saison 2024, mais on aura déjà un bel aperçu, je pense, des forces en présence et de ceux qui sont dans une position difficile ou non. Malheureusement, je vois Astana et Arkéa toujours derrière à la fin de la saison 2024. Je ne pense pas qu'ils aient l'effectif pour pouvoir reprendre beaucoup de terrain, en tout cas 2000 points, à la concurrence, sauf incident, bien entendu, ou sauf énorme saison, ce que je leur souhaite, hein, bien entendu. Mais voilà. Il me semble moins armé pour les grands tours, pour les classiques et les courses par étapes du World Tour qui sont très rémunérateurs en termes de points. Donc mon pari, ça serait Astana et Arkéa, malheureusement pour eux, encore dans la zone rouge à la fin de la saison 2024. Donc voilà un petit peu pour les petits paris que je pouvais faire. N'hésitez pas à rajouter les vôtres également. Il y en a 5 ou 6, c'est pas mal. On verra, certains sont plus réalisables que d'autres. En attendant de recevoir les vôtres en commentaire, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent réveillon et une très belle année si vous écoutez cette petite pastille le 1er janvier ou après. Ciao!